Portrait d'artiste sur Fadjet, l'émission qui présente un artiste local des arts visuels, animé par Romain Marie. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans l'émission Portrait d'artiste présentée par Romain Marie. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Antoine HLT, un auteur, compositeur, interprète, qui est également parrain du Bazar à Lisette qui organise le festival Ça suffit le 7 et 8 mars. Donc, entretien avec Antoine HLT, donc c'est comme ça qu'on t'appelle. Oui. Donc, figure locale des Célé Nancy en tant que notamment parrain du Bazar à Lisette. Pourquoi je suis parrain du Bazar à Lisette? Oui. Bon, tu condenseras, hein. Je vais te raconter. Et puis, bah, tu synthétiseras. Je faisais il y a 2 ans un concert à la salle Maringer. Donc, tu es chanteur. Je suis chanteur. Oui, ouais. Parce qu'il y a plusieurs questions en ligne. Oui. Auteur, compositeur, interprète. Auteur. Donc, je fais tous mes textes. Ça, c'est clair. Auteur, compositeur, les musiques, je fais les mélodies et je suis aidé avec des musiciens pour tout ce qui est arrangement et instrumentation. Mmh. Et puis certains, c'est eux qui les font, les musiques. Mmh. Et interprète, bah oui, c'est moi qui les chante. D'accord, donc ouais, ok. Mmh. Donc c'est vraiment le registre complet. Hein, oui, c'est ça, oui. Et Johnny Hallyday n'était qu'interprète, par exemple. Oui. sur un autre plan, oui. Ouais, donc toi, tu écris tes textes. Tu les mets en composition, mm-hmm, et tu les chantes. Voilà. Enfin, donc vraiment. Et je les mets en image aussi parce qu'il y a les clips. Donc des fois je fais les clips moi-même, des fois je fais appel à des gens. Les pochettes, c'est pareil. Souvent j'ai le concept, mais je fais appel à des graphistes. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est un ensemble. C'est ça qui est intéressant. Des fois j'ai besoin d'un truc que je ne maîtrise pas, je fais appel à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Donc c'est vrai que j'ai. J'ai mes habitudes. Après il y a des gens avec qui ça se passe bien, et à qui je fais régulièrement appel. Ouais. Puis des fois, c'est au coup de cœur ou au hasard des rencontres. C'est aussi comme ça que ça se fait, c'est vrai. D'accord. Donc tu étais à un concert il y a 2 ans. Alors, donc, il y a 2 ans, j'allais faire un concert à la salle Maringer pour célébrer les 10 ans de mon parcours. Je ne vais pas dire carrière, mais enfin, j'avais lancé mon premier single en 2013. Mmh. Et, qui s'appelait Summer Love. Summer Love, voilà. L'été de l'amour. Ouais, c'est ça. Sauf que c'était la pochette, c'était un bonhomme de neige. C'était déjà un espèce de clin d'œil à l'époque où on me disait, mais tu devrais faire un clip avec des filles nues sur une plage. J'ai dit non, c'est pas ça. Moi, mon trip, presque par une petite provocation. En tout cas, c'est pour dire, je ne vais pas forcément là où on m'attend. Ouais. Mm-hmm. Donc voilà, je célébrais les 10 ans pour marquer un petit peu le coup, quoi, pour dire bon bah. Ça fait quand même 10 ans que je fais ça. Et, donc, je faisais ça à Salle Maringer. Je suis allé distribuer des affiches sur Essai. Mm-hmm. Je suis arrivé devant le bazar où je m'étais déjà dit, tiens, c'est quoi cette boutique de seconde main? Faudrait que j'aille faire un tour. Et puis là, je suis rentré et Lisette m'a dit, ah bon, vous êtes chanteur? Elle a regardé un petit peu. Elle a dit, mais qu'est-ce que vous dites si on vous prend 20 places? Et moi, j'ai fait, oh, bah super, oui, impeccable. Ouais, ouais. Et puis, du coup, ils sont allés me voir. Et à la fin du concert, elle a dit, bah écoutez, j'ai adoré vos textes. Est-ce que vous voulez être parrain du bazar? Mmh. Et après, elle m'avait invité. Il y avait, un week-end de solidaire avec une braderie, puis la diffusion d'un documentaire dans lequel elle était présente. Elle dit, bah, comme ça, tu vas apprendre à connaître un peu l'histoire du bazar, me connaître moi, et après, on verra. Et moi, j'ai dit, bah, banco, je suis hyper fier de la proposition. Bien sûr, ça correspond Oui, elle est très, très impliquée, Lena. Ah oui. Un sacré positionnement aussi, Lisette, sur toute la cour, d'ailleurs. Oui. Tu ne sais pas forcément en rentrant, mais au fur et à mesure que tu la découvres, tu dis vache, nanana, elle assure quand même. Oui, et même moi en tant que parrain, je ne sais pas forcément tout, parce qu'il se passe tellement de choses. Ouais. Donc j'essaye d'aider, puis d'apporter un peu en visibilité comme je peux. Là, je me produirai. Le 7 et 8 mars, j'ai écrit une nouvelle chanson exprès pour l'occasion. Voilà, parfois je fais un peu de bénévolat au bazar. C'est organisé, tu y vas systématiquement, c'est très bien. Par quinzaine, elle nous demande des disponibilités, et moi, en fonction du temps dont je dispose, je propose ou pas. Ouais, c'est pas si t'es pas là une fois, c'est pas grave. Non, c'est vraiment le planning des refaits chaque quinzaine. Mmh, d'accord. Donc, puis là, comme il y a de l'investissement sur le festival, et puis là, il y avait l'AG aussi, on a répété tout ça, bah là, je suis pas allé, quoi. Mmh. Mon investissement, là, était dans ces événements-là, on va dire. Oui, oui. D'accord. Donc là, tu t'organises tes 10 ans, et en distribuant donc tes affiches, tu rencontres Lisette. C'est ça, ben dans l'heure, je suis allé mettre une affiche au bazar et là, je rencontre Lisette, effectivement. Qui a le coup de cœur pour ce que tu fais. Oui, c'est ça, elle a le coup de cœur à l'issue du concert, hein, après avoir vu. Et puis, Donc déjà, la rencontre, elle te prend 10 places. Voilà, ouais, 20, je crois. 20 places, voilà. Donc, elle se dit, tiens, on va profiter d'un spectacle avec toute son équipe. Mm-hmm. Et en découvrant le chanteur que tu es, l'auteur-compositeur, elle te dit, tiens, ça serait bien que tu sois parrain du bazar à Lisette. C'est comme ça que tu es devenu le parrain du bazar. Oui, c'est ça. Ah ouais. C'était chouette. Ouais. Moi, je suis toujours très honoré. Hein. Et oui, puis ça correspond bien à mes valeurs parce que voilà, tout ce qui est humanitaire, ça me parle. Et puis tout ce qui est environnemental aussi, parce qu'il y a quand même une dimension de seconde main chez Lisette, de récupération des invendus, des choses comme ça. Donc ça me parle beaucoup aussi. Donc après le coup de cœur, il y a l'engagement, le pourquoi. Oui, il y a quand même, voilà, c'est pas... j'aurais pas dit oui à la secte des néo-nazis ou je ne sais quoi. Oui, oui, j'imagine bien. Voilà. Bon, là, je prends l'exemple plus caricatural, mais tu vois l'idée. Oui, je vois bien l'idée. Et en fait, donc là, les notions, le côté, donc, l'humanité, l'humanisme, les valeurs de solidarité, d'écologie, te parlent, et c'est comme ça que tu te dis, bon, ouais, en fait, ça me convient bien, au point même qu'en plus d'être le parrain, tu deviens aussi bénévole, finalement. Oui, oui, oui. Nous allons faire la première pause musicale en découvrant tout de suite le titre « Chercheur d'or » d'Antoine Achelté. Je suis parti le sac au dos, avec ma pelle, avec mon seau. J'ai pris la route et mon tamis, changé de voie, changé de vie. Je suis parti sans un regret, sous railleries et colibets. Doit-il être fier, le pas qui tente, sous l'orage de prendre tangente. J'ai enduré pendant des mois, doute, fatigue, chaleur et froid, pour atteindre un emplacement, où rechercher mon gisement. Là, j'ai empoigné ma pioche, brisé la terre, la roche, creusé dans l'émotion, sans avoir de concession. Oh chercheur d'or, d'or, c'est déjà cousu d'or. Si feu au corps, il est le seul maître à bord. Et chercheur d'or ne sera pas chercheur mort, car chercheur d'or est celui qui cherche fort, est celui qui vit encore. J'ai déterré tant de cailloux que même en soupe n'ont plus de goût. J'ai tant d'écorchures sur la peau qu'on me croit taillé au ciseau. S'il arrive qu'un soir je pleure, me renvoie à mes malheurs. Pourtant j'aime la vie au grand air, le vent, le gel, la roche, la terre. Car dans les formes mon feu jaillit, mon exaltation ne faiblit. Mais c'est humain, me semble-t-il, de dire quand ce n'est pas facile. Là, sous les regards perçants, la nuit me glaçant, me vient comme le frisson d'acheter une concession. Oh chercheur d'or, d'or, c'est déjà cousu d'or. Si ses efforts surpassent les coups du sort, et chercheur d'or ne sera pas chercheur mort. Car chercheur d'or est celui qui croit plus fort, est celui qui vit encore. Mais il arrive jour généreux que je trouve une pépite ou deux. Fût-elle dérisoire face au gel, on dit alors ta vie est belle. La moindre pépite que je sors est perçue comme un vrai trésor. Pourtant peu me choue ce métal, même s'il me donne tant de mal. J'aime cet espoir d'un éclat, beaucoup plus que d'en faire état. Mais deux pépites ne font bourse et je dois poursuivre ma course. Là, surgissent les félons, mon filon, et puis l'augmentation des taxes de ma concession. Oh chercheur d'or, d'or, c'est déjà cousu d'or. Même si dehors durait le penseur qui dort, mais chercheur d'or ne sera pas chercheur mort. Car chercheur d'or est celui qui se bat fort, est celui qui vit encore. Je resterai le sac au dos, avec ma pelle, avec mon seau, faisant mon trou l'ultime, trop vite viendra cet abîme. Toi qui pèle n'a jamais pris, sauf dans ta gueule si tu m'ennuies. Laisse-moi suivre mon chemin, je te laisse suivre le tien. D'artistes sur Fadjet. De retour dans l'émission Portrait d'artiste avec Romain Marie. Aujourd'hui, entretien avec Antoine Achelté, auteur, chanteur, compositeur, interprète, qui nous parle du festival Ça suffit et de son nouveau titre, Le Prince Charmant. Comment ça se fait? Pourquoi il y a eu l'alchimie en fait? Pourquoi il y a eu l'alchimie entre toi, tes textes, tes créations et puis le bazar? Oui, parce que je ne suis pas un chanteur engagé. Mais je dirais peut-être un chanteur concerné, c'est-à-dire je fais pas des, comment dire, c'est pas des textes militants, mais j'essaye qu'il y ait toujours un sens, un sens, et puis que ce soit parce que tu te prévaux de quel artiste, t'as tes références artistiques toi en tant que chanteur, qui est-ce qui t'inspire dans la chanson? Je vais de la chanson très à texte de Anne Sylvestre par exemple jusqu'à la variété légère et populaire de l'image par exemple. En gros, moi, j'aime tout ce qui se chante avec des belles mélodies, on va dire ça. Donc, ça peut aller... C'est vrai que je préfère quand ça a un sens, mais des fois, il faut reconnaître qu'il y a des super chansons très populaires qui ne veulent pas dire grand-chose, mais on a passé tellement de bons moments dessus, et ça, je le revendique aussi, quoi. Donc, toi, l'idée, c'est que tu es un chanteur, mais... mais un chanteur à texte, tu veux, il y a un message, il y a que tu dis quelque chose dans tes chansons, c'est pas juste un truc fun qui va être sympa comme ça, il y a un contenu en même temps. Il y a quand même un contenu, après le contenu ça peut être juste le plaisir des mots et pas forcément un message. Mais la poésie qu'il peut y avoir. Oui, ou la petite astuce, le jeu de mots, pareil. La rime. Par exemple, Enchanté, c'était une chanson sur les rencontres éphémères. Et je partais du fait qu'à force de dire Enchanté à tout le monde, le mot perdait son sens. Et d'ailleurs, dans le clip, je suis complètement impassible quand je dis Enchanté parce que ça n'a presque plus de sens. Et à la fin, c'était l'idée, ça, depuis le départ, c'est je dis fin de la parenthèse Enchanté. Voilà, l'idée, elle est venue de là, c'est le jeu de mots. Puis j'ai construit tout un truc autour. Et des fois, c'est juste ça. Mais parfois, oui, c'est là par exemple pour la chanson que je vais faire pour le 8 mars, une chanson sur les violences faites aux femmes. J'avais un peu l'idée de parler du sujet il y a déjà 5 ou 6 ans. Puis je sais pas, j'étais pas très content de ce que j'avais fait. Et je me dis, il y a tellement de belles chansons sur le sujet, moi là ça apporte rien, j'abandonne. Puis Lisette m'a dit, ah, mais t'as pas une chanson là-dessus pour le bazar? Je dis, bah j'avais commencé à en écrire une, mais que je trouvais pas bien. Elle dit, bah vas-y, replanche dessus, je suis sûr que t'en es capable. Et puis là, du coup, ça a été vraiment le sujet que je dois. Mais quand même avec un angle, c'est-à-dire que. J'ai jamais mon sujet de rédaction et une page blanche, c'est toujours une. Donc là, tu fais une composition spécifiquement pour le festival. Oui, voilà. Et puis après, elle sera incluse dans ce qui sera, j'espère, le quatrième album. Mais oui, elle a été, enfin, en tout cas, elle a été relancée grâce à Lisette. Et au final, elle est terminée. Et Lisette, elle m'a embrassé. Elle a dit, oh, c'est le plus... non, je sais pas si... Comment elle a dit ça? En tout cas, elle a adoré. Elle a... Donc, comment il s'appelle ce titre? Prince Charmant. Prince Charmant. Voilà, d'accord. C'est un inédit. D'accord. Donc ça, c'est pas le titre que tu as présenté au festival. Si, tu vas le présenter. C'est celui que je vais présenter. D'accord. Il est écrit. Il est écrit, mais on est encore en train de le répéter. Parce d'accord. Qu'il n'est pas enregistré. Et est-ce qu'on peut le trouver Celui-là, il est. Il sort le jour du festival, quoi. C'est ça. C'est exclusivité festival. Exclusivité et après, festival. On fera la version studio, mais elle n'est pas faite, là. D'accord. On a juste fait une maquette. Ok, et où est-ce que tu te produis alors d'ordinaire où est-ce qu'on peut voir je vois que t'as une présence sur les réseaux sociaux, oui. YouTube, mais... Attends, je vais... Sur scène, c'est, on va dire, beaucoup Nancy, Grand Est, alentour, mais on fait feu de tout bois, on s'est déjà produit en Allemagne, on est allé l'an dernier, on a fait un tremplin, c'était le Brassens Charavine Festival, c'était dans le 38 là, à l'Isère. Voilà, quand j'ai eu mon prix de la chanson poétique de la Société des Poètes Artistes de France, je suis allé à Barbizon pour le chanter. Alors c'est quand que tu as eu ce prix, non? C'était en 2020. En 2020, oui. Donc 5-6 ans. Ouais. Oui. D'accord. Comment il s'appelle ce prix? C'est le Grand Prix Georges Chelon de la chanson poétique. Georges Chelon, d'accord. De la chanson poétique. Oui, et c'est la Société des Poètes et Artistes de France, acronyme SPAF. Ça fait très long, du coup. Le Grand Prix Georges Chelon de la chanson poétique de la Société des Poètes et Artistes de France. Bon, ils font beaucoup de concours de poésie, puis voilà, il se trouve que celui-là... D'accord. Je l'ai gagné, donc j'étais content. Et tu l'avais gagné avec quel titre? Chercheur d'or, c'était. Chercheur d'or. Ok, question qu'on peut toujours écouter. Ah, celle-là, elle est disponible partout. Disponible partout. Elle est disponible en CD, vinyle, sur Spotify, Deezer, YouTube. D'accord. Ouais. Et tu vends tes CD? Oui, je les vends. Ouais. Donc, t'es un distributeur ou... Non, tout est indépendant chez moi, très artisanal. Dire, en auto-édition? C'est ça. Il y a une boutique sur mon site. Je suis sur les plateformes de vente comme Rakuten, eBay, etc. Ouais. Donc j'en vends une fois de temps en temps, une fois sur l'un, une fois sur l'autre, et puis les petits ruisseaux font les grandes rivières, voilà. Ouais. Puis en fin de concert, c'est surtout là que j'en vends le plus. Oui, c'est ça, les gens ont écouté. D'accord. Et en marge du festival, tu as un événement qui est prévu Le 1er mars, il y aura les échappées musicales à Oudemont, autour de la chanson française, donc là j'y serai le 1er mars. Le 25 avril, à Reville devant Bayon, l'atelier du Petit Canal. Voilà, ça c'est les prochaines dates dans les coins. D'accord. C'est l'adresse du site, c'est antoine-hlt.com. Ok, ou sinon, si on tape antoine-hlt, on va trouver où ta page Facebook. Normalement, oui. On devrait te trouver sur YouTube, et puis je suis distribué sur les plateformes de streaming et téléchargement. Voilà. D'accord, super. Merci infiniment à toi, Antoine. On t'appelle comment Antoine? Antoine. Ok. Bon, merci infiniment, Antoine. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de l'émission Portrait d'artiste animée par Romain Marie. Retrouvez-nous dès le mois prochain, le premier jeudi de chaque mois, à l'entour de 17h, sur Radio Fadjet 94.2 FM.